Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Journée spéciale, émission spéciale, musique live. C'est aujourd'hui la fête de la musique. Alors, on décolle tout de suite. Générique Cédric. Musique live avec You sur Fabien tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis des mois et plus si affinité. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Musique Live, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la fête de la musique qui a lieu aujourd'hui partout en France et dans plus de 140 pays dans le monde. On dit souvent que c'est Jack Lang qui en 82 a inventé la fête de la musique, et bien en fait pas tant que cela. La Journée internationale de la musique est créée par l'UNESCO le 1er octobre 1975, donc bien avant. Elle est ensuite imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen, qui travaillait alors pour France Musique. Cohen proposait pour cette chaîne des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre, lors des deux solstices d'hiver et d'été. Il voulait donc que des groupes de musique jouent le 21 juin au soir, jour de l'été boréal. La première tentative a lieu à Toulouse et c'est un succès, mais qui n'aura pas vraiment de suite. En 1981, le pouvoir, pour la première fois de gauche, veut fêter comme il se doit l'arrivée de François Mitterrand comme président de la République, par une action notamment dirigée vers les jeunes et pour montrer le changement de politique dans le pays. On confie la mission alors au ministère de la Culture, dont Jack Lang avait été nommé ministre, qui n'a pas franchement d'idée et refile la patate chaude à André Henry du ministère du temps libre, qui lui donc, comme disait Coluche, il a le temps. Et même tout son temps. Il mène une enquête et se rend compte qu'en France, plus de 50% des jeunes ont chez eux un instrument de musique et que la première consommation de ces mêmes jeunes est la musique, acheter des disques, des cassettes à l'époque, etc. Son cabinet retrouve le dossier de Joel Cohen. Il organise alors un concert gratuit réunissant environ 100 000 personnes, place de la République, avec comme tête d'affiche Jacques Higelin et Téléphone. Donc au mois de mai, quelques semaines après l'élection de François Mitterrand. Jack Lang annonce, lui, que vu le succès du concert, il est décidé de faire chaque année une fête de la musique le 21 juin, partout en France. Enfin, quand je dis partout, pas partout. Si les mairies de gauche disent youpi en ayant peur d'éventuels débordements et d'excès, les mairies de droite, elles, ne sont pas franchement chaudes, soit font silence, soit refusent d'y participer. On va quand même pas sponsoriser un machin de gauche quand même. À Nancy, par exemple, plutôt centre-droit, c'est silence radio et ce sont les étudiants, les MJC, les radios locales ou pirates de l'époque, les syndicats et les jeunes qui vont faire au mieux et en bricolant, car la mairie ne leur offre même pas l'espace ni même une moindre prise de courant. Il faudra encore patienter 2 ou 3 ans, si j'ai bonne mémoire, après arriver à la mairie d'André Rossino pour qu'il accepte sans réellement une grande bonne volonté cette fête et le plus souvent principalement dans la vieille ville où il y avait le plus de monde, mais aussi avec des compagnies de CRS, je me souviens, qui étaient bien visibles, qui donneront lieu d'ailleurs à quelques échauffourées un peu provoquées par leurs ailes. Si vous vous souvenez d'ailleurs, les Lancéens, ce fut la même chose pour Nancy-Plage, initié par Bertrand Delanoë, socialiste, à Paris, où il a fallu attendre l'arrivée du maire actuel pour que Nancy célèbre aussi cette fête. Quand la politique en arrive là, enfin, moi je dis ça, vous en penserez ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, depuis 1982, et au-delà de la politique, la fête de la musique s'est développée dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 pays qui la fêtent. Comme quoi, c'est peut-être ça l'exception culturelle française, au final, toujours plus dur à faire quelque chose chez soi. En tout cas, aujourd'hui est un jour de fête, et ça fait bien plaisir dans ce contexte d'actualité aussi morose. J'ai lu un article qui explique que sur 35 000 communes en France, et oui, il y en a plus 48 000 comme dans le temps, elles se sont groupées, donc il n'y en a plus que 35 000, eh bien 32 000 marquent le coup, avec souvent milieu rural, un rendez-vous double avec la tradition sont aussi des feux de la Saint-Jean. Mais il y a encore quelques villages et hameaux de résistants, mais surtout liés au fait de manquer de comités des fêtes ou d'associations qui peuvent aussi leur apporter quelques groupes et musiciens pour jouer. Alors nous, à Fadjet, on a pensé à celles et ceux qui ne pourront pas aller se divertir ce soir. Et ce, parce qu'ils travaillent, ou qu'ils sont sur la route, ou qu'ils sont privés de liberté, ou à l'hôpital, ou malades à la maison, ou qui ont peur de la foule. Comme d'habitude, Fadjet est au plus près de vous, et vos animateurs préférés depuis ce matin se baladent dans les rues de l'agglomération pour vous raconter tout ça, à vous les auditeurs. Font des émissions spéciales en marquant le coup dans la radio, c'était il y a 2 jours, et vous aurez toute la rétrospective, où vous venez d'avoir la rétrospective de ce qui s'est passé pour cette fête de la musique ici, juste devant les locaux de Fadjet. Alors moi je prends le relais aussi pour proposer 1 heure de musique live, et comme l'année dernière, tel le plus grand concert du monde, vous allez chanter et danser avec les plus grandes stars. Il est temps de démarrer. Bienvenue sur Fadjet pour un spécial Music Live Through the World. Music, let's go! Ok, that's it folks, time to stretch your legs. Come on everybody, don't make these people feel bad about standing up. Come on now, let's have you. On démarre avec First song I ever wrote, and I love singing it, and I love it when you sing it though. So everybody, give it to me. You know, you said you never intended to break up our scene in this way. Ain't any use pretending it could happen to us any day. Tell me, how long has this been going on? How long has this been going on? A little bit louder now. fantastic. Last time! Music Live sur Fadjet. J-Fly. Hello, Electric Light Orchestra. Livestream to London. It was 9:29 back street fixing. The sun was going down. There was music all around. That's all right. You were standing there, there was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. Thank you. Al Jarreau, Roof Garden. We get to do one more. Hope you got your party shoes on now. Well, come on, girls. Sequence evening guy. I know we'll go on downtown and climb those stairs to that ballroom in the what you want to do. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. Et on trouve George Benson avec son plus grand titre. Vous entendez ? Give me the light. C'est la fête de la musique. C'est cool ce soir sur Fadjet. To come alive till the day is dawning. We can throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in the air and lots of love in every way. So give me the night, all right, tonight. Give me the night, every night. You need that evening action, a place to dine, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. You see the people of the world coming out to dance. All the music in the air and lots of love and baby. So give me the night. All right, tonight. Give me the night. Music in the air and lots of love and everywhere. So give me the jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. Allez, on part en Californie cette fois. Eagles, One of This Night. Juin, Music Live, spécial fête de la musique, et on reste encore en Californie avec les Doobie Brothers et le célèbre Long Train Raining. C'est parti. Allez, funky. Yeah. Yeah. Music Live sur Fadjet. Et là, on retrouve maintenant Roger Waters de Pink Floyd. Vous entendez le bruit de l'hélicoptère? C'est évidemment Another Brick in the Wall. Et c'est parti. C'est la fête de la musique. C'est le plus grand concert de l'année. Et c'est sur Fadjet. Another brick in the wall. Music Live sur Fadjet. Allez, on retrouve la reine, Tina Turner, the best, car c'était la best. Thank you. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fat Jet. Et oui, le chrono file vite. Alors, il nous faut déjà presque nous quitter, mais pas sans ce moment fantastique de 2009 à Londres, où Stevie Wonder est dans un partage avec le public pendant plus de 5 minutes avant d'attaquer Part-Time Lover. Voilà un exemple de pourquoi il faut aller au concert pour des moments comme ça intenses. Allez, merci à tous de votre attention. On se retrouve mercredi prochain, même endroit, même heure, pour vous amener encore une fois en concert. La musique à toutes et toutes. Bonne soirée avec Fat Jet. Bonne fête de la musique à tous. À très vite. Ciao. Et voici Stevie Wonder. Allez, vous êtes prêts? Vous répétez après lui? Allez, go! Allez, on essaye. A man gotta do, a man gotta do, what a man gotta do, what a man gotta do, sometimes, sometimes, not all the time, not all the time, a man gotta do, a man gotta do, what a man gotta do, what a man gotta do, sometimes, sometimes, not all the time, not all the time. Say it, fellas. Hello. A man gotta do what a man gotta do. What a man gotta do. Sometimes. Sometimes. Sometimes. Oh, yeah, I said a man gotta do what a man gotta do. Sometimes. Not all the time. Fella said. Hey, Fee. Thank you. retrouver Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live.